me? Did you speak truth when you dug wounds, when you spilled blood? Did you say that when you promised the Most High you won't betray? Emporté par l'inspi que l'instru m'apporte, c'est là que j'ai l'impression que mon esprit flotte. Pour mes semblables, rien n'a changé. Obligé de batailler pour ouvrir les portes. Quand est-ce qu'on ouvrira nos yeux sur leur façon de faire? Ils parlent de paix tout en faisant des folies meurtrières. On ne croit pas en vos paroles bienveillantes, car vous ne faites pas les choses de façon transparente. On est concentré sur nous-mêmes, donc laissez-nous. On veut construire nos vies, donc laissez-nous. Marre de vos problèmes d'orgueil, d'argent et de pouvoir. C'est dans des marres de sang que finissent vos histoires. Et bien sûr, ceux qui prennent sont innocents. L'argent rend l'homme inconscient, c'est horrifiant. Dicté par ses instincts et ses sentiments, le bonheur sera jamais taillé dans une pierre de diamant. Non, non, non, non, non. Je préfère rester seul, leur présence me gêne. Non, non, non, non. Leur vérité n'est pas la même que la mienne. Non, non, non, non, non. Je préfère rester seul, leur présence me gêne. Non, non, non, non, non. Leur vérité n'est pas la même que la mienne. Et c'est comme ça, vie là, ça y est. Tiens, béret, Jean Oupé. Jean Oupé. Et c'est comme ça, vie là, ça y est. Tiens, béret, Jean Oupé. Jean Oupé.